À cet endroit où ont lieu des travaux, des cônes ont été disposés sur la route pour obliger les usagers à s'écarter vers la gauche. En effet, autour de ce camion, des ouvriers sont certainement en train de travailler et il serait dangereux de les frôler. Bien que le franchissement d'une ligne continue soit interdit, exceptionnellement, dans ce type de situation, je m'écarte davantage, en ralentissant bien sûr. Réponse B.